Shiny Happy People sur RTL2. Grégory Achère et Justine Salmon. Expresso RTL 2 de 6h à 9h. Et c'est reparti pour un double expresso. Tout va bien se passer, évidemment, on est ensemble jusqu'à un petit peu plus de 9h, 468e émission. Bonjour Justine. Bonjour Greg, bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour, t'as passé une bonne soirée? Oui, qu'est-ce que j'ai fait hier soir? C'est pas si loin, vas-y. Non, j'ai regardé L'amour est dans le pré. Bon, ah, ouais. Bah oui. J'ai l'impression que tous mes lundis se ressemblent. J'ai bu une tisane et j'ai regardé L'amour est dans le pré. La vie passionnante de Justine. Wouh! T'es née en 1881. C'est vrai. Le lundi, mardi, je suis une vieille personne. Après, ça va mieux. Ouais, après, tu bouges un petit peu plus. Bon. Et toi? Moi, j'avais oublié un dîner d'équipe. Comment ça, un dîner? C'est nous, ton équipe? Je travaille aussi pour la chaîne L'équipe. Voilà, tu sais, pour l'équipe d'Estelle. Oui. J'avais oublié le dîner d'équipe. Et donc, en pleine émission, on se retrouve tout à l'heure pour le dîner. Ah oui! Alors, moi, je me suis fait engueuler par ma femme. T'es insupportable, voilà. T'as pas d'agenda. Tu oublies tout, c'est insupportable. Ouais, je comprends ta femme. Oui, mais bon. Pas grave. Demande au Papa Noël un agenda. Oui, c'est pas bête. Oui. Papa Noël, il me faut un agenda. Merci, Max. Tout le monde est en forme dans l'équipe? Tout le monde va bien? Ouais. Bon, écoutez, il y a du son pop rock comme on l'aime. On écoutera Oshi, il y aura Blondie, le groupe Fun, bien sûr l'Info Expresso, l'horoscope, le winner du jour et puis le tube de la brosse à dents. On joue dans trois quarts d'heure un seul numéro de téléphone. Le 3228. Vous nous appelez pour gagner de très beaux cadeaux. Et puis on écoute Jacob Banks sur RTL2. I believe what I said. Why does everyone end me wrong? If I told you different, would it sound the same? Would it make a difference in any way? Oh, no. I know I've done wrong, I'll pay for it. It's your turn to talk, for once I'm listening. Say that you don't want me, say that you don't need me. Tell me I'm the fool. Tell me you've been tortured, tell me you've been betrayed. What I've done to you, even if it doesn't matter, matter what's true. Say that you don't want me, say that you don't need me, tell me I'm the fool. Look at all this heartache, what is left? Forgetting how we started, this is how it ends. Oh no, I know I've done some wrong, I'll pay for it. But it's your turn to talk, for once I'm listening. Say that you don't want me, say that you don't need me. Tell me I'm the fool. Tell me you've been tortured, tell me you've been betrayed. All I've done to you, even if it doesn't matter, matter what's true. Tell Banks dans le double expresso RTL 2. Unknown, il était venu chanter d'ailleurs cette chanson un vendredi matin. L'invité du vendredi, tous les vendredis, ça sera Clara Luciani, tiens, ce vendredi matin. Ouais, je suis hyper contente, j'aime direct, beaucoup. Ah oui, on aime beaucoup, elle sera là entre 8h, à partir de 8h dans le double expresso RTL 2. Le groupe Fun, Where Are Young. Puis Justine, je vais te permettre de briller toute la journée. Toi et tous les autres de l'équipe et vous qui nous écoutez. Et alors comment? Savez-vous qui est le plus grand chanteur de tous les temps? Et c'est pas subjectif. C'est objectif. Moi, je le sais, c'est grâce à la science et je vous dis ça dans l'Info Expresso RTL 2. A tout de suite. RTL 2 Pop Rock Party. Le son pop rock mixé par Lauren et RLP en live. Écoutez. RTL 2 Pop Rock Party.

I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she is waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. No, I know. And you feel like falling down, I'll carry you home tonight. Le groupe Fun sur RTL2, We Are Young. L'info expresso RTL2. Alors, quel est le plus grand chanteur de tous les temps, Greg ? Je vais vous le dire ce matin dans le double expresso RTL2. Enfin, c'est pas moi, c'est la science. Alors, avant, petit tour de table, jouez chez vous, comme ça, vous pouvez répondre. Qui est pour vous le plus grand chanteur de tous les temps, Justine ? Bah, le premier nom qui me vient, c'est Michael Jackson. Ok, ouais. Jonathan ? Je suis d'accord, Michael Jackson, c'est Max. Direct ça. Ray Charles. Ray Charles, et pour Jérémy ? Moi, j'aurais dit Johnny, moi. Ah, un petit coco dans le coin. Johnny. Eh bien, je vais vous le dire les yeux dans les yeux, personne n'a raison. Le plus grand, c'est lui. Je suis un magique. C'est pas lui. Alors, mais qui est-ce ? Je me suis trompé. C'est excellent. Jean-Pascal. Non, c'est Freddie Mercury. En plus, tu me dis non. Non, mais ok, il y aurait 2-3 doutes. Tu vois, je veux pas. Freddie Mercury, d'accord. Oui, la sortie de Bohemian Rhapsody a sans doute relancé ce vieux débat. Est-il le plus grand chanteur rock ? C'est vrai que c'est un carton. Le film New Queen, on aime forcément sur RTL2. Eh bien, il y a une étude acoustique de toute son œuvre qui montre que sa voix était très particulière, voire complètement unique. Alors, en gros, je vous schématise ça. Ses analyses en interview et dans les chansons montrent qu'il parlait avec une voix de baryton à une fréquence de 113 Hz, alors qu'il pouvait atteindre des notes similaires à celles d'un ténor. C'est-à-dire qu'en gros, quand il chantait, il avait la voix d'un ténor, vous imaginez, hein, et Pavarotti et compagnie. Bon, sa fréquence de vibrato était très élevée, pas loin de celle des musiques classiques, avec une rapidité exceptionnelle, nous dit l'étude, et une modulation irrégulière. En gros, même si la notion de plus grand chanteur, ça reste très subjectif, parce qu'après, il y a la danse, la création, l'artistique, scientifiquement, vocalement, il n'y a pas mieux que Freddie Mercury. C'est lui qui, en chanteur pop et rock, se situe le plus proche de tous les artistes lyriques aux voix exceptionnelles. Donc c'est scientifiquement Freddie Mercury qui a la plus belle voix de l'histoire rock. C'est vrai que j'ai jamais réussi à atteindre ces notes. J'ai essayé. Même quand tu cries, tu te casses le pied ou je ne sais quoi. Mais est-ce qu'ils ont comparé à la voix de Bruce Springsteen ? C'est une très bonne question. On demandera à Bruce Springsteen tout à l'heure. Ah oui. Il arrivera à 6h45.

Queen sur RTL2, Everybody's Changing. Le double expresso RTL2, le winner du jour. Bon, tu nous as fait un camoulox total, non, là, non, donc non, explique. Non. Aucun camoulox, le Seigneur des Anneaux, vous connaissez, il y a des gens fans, des gens pas fans dans cette émission, ça c'est la team musique pas du fan. Film. Team ouais. pas fan. Team fan. Donc on est en Meurthe et Moselle. Écoutez bien cette histoire absolument incroyable. Alors, je précise que dans le Seigneur des Anneaux, la clé c'est mon précieux, c'est la bague, ouais. D'accord hein, qui, c'est l'anneau, justement, qui fait le bien et le mal. Bref. Cette bague a passé plus de 100 ans enfouie sous terre dans une forêt de Meurthe-et-Moselle. C'est une alliance en bon état qui a été retrouvée par hasard par un habitant, c'est Jean-François, qui pratique la détection de loisirs avec son appareil à métaux. Tu sais, ça fait oui. bip, bip, bip, comme sur la plage. Ça me fascine les gens qui utilisent ça. À l'intérieur de l'anneau, deux noms et une date, 26 avril 1910. Pas tout neuf, hein. Ah oui. M. Boulanger et G. Minin. Alors, si les lettres ont été usées par le temps, les noms restent lisibles. Et autour du bijou, sous la terre, il y avait des éclats d'obus et des morceaux de balles. Ce qui a fait dire à Jean-François que, pas de doute, la bague a appartenu à un poilu. En plus, on vient de fêter les 100 ans de la guerre 14-18, de l'armistice, en tous les cas. Son obsession maintenant, c'est de retrouver la famille pour lui rendre la bague. Alors, on va se rendre utile. On va poster sur la page Facebook du Double Expresso RTL2 toutes les infos pour essayer d'aider Jean-François à retrouver les propriétaires de cette bague. Est-ce que ça vous tente? Ah bah oui, bien sûr. On peut se lancer ce défi. C'est donc une bonne initiative en plus de ouais. ce monsieur. Alors, la bataille du Grand Couronné avait donc opposé l'armée française aux Allemands du 4 au 13 septembre 1914 et le propriétaire de la bague devait donc être mobilisé au front. Reste à l'identifier qui est cet homme. On vous poste ça sur la page Facebook du Double Expresso RTL2 avec les noms sur l'alliance, le lieu de la bataille, le lieu où on a retrouvé l'alliance. Et peut-être que la magie de la radio fera qu'on retrouvera le nom du propriétaire. Et attention, que des gens sérieux, s'il vous plaît. Oui, enfin, si vous faites des blagues, on vous en voudra pas non plus. Hein. Et si avec son détecteur, il trouve une Rolex, pas besoin de chercher le proprio, on dira que c'est moi. Hein. Voilà. Voilà, tu vois, si vous faites des blagues, bah, vous envoyez vos cachets à Jonathan O'Donnell, @rtl2.fr.

7h46, c'est le mardi 27 novembre qui démarre. Bonjour, et c'est la Saint-Séverin aujourd'hui. Eh ben bonne fête à eux. Ben voilà, c'est important de le dire, c'est le lancement de la 34e campagne des Restos du Cœur aussi. Et avant de jouer avec Bruce Springsteen, on écoute Naya qui était venue dans le double expresso RTL de Girl on the Moon. C'est une fille de la lune, une étrange funambule, acrobate de l'infini, la voix lactée. Pour la vie, au-dessus d'un monde à ses pieds, elle défie les lois de la gravité, la tête à l'envers, accrochée à ses rêves célestes, émissaire. C'est une fille de l'air. Miss Univers. Girl on the Moon sur RTL2. RTL2, le tube de la brosse à dents. 6h49, bonjour David. Bonjour Greg, bonjour Justine. Et coucou David. Ça va bien? Ouais, super, et vous? Bah ça va, on est ravis de vous accueillir, vous êtes au boulot là? Pas encore, dans pas très longtemps. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, dites-nous? Je suis aide-soignant dans une maison de retraite. Ah bah très bien, bravo pour votre beau travail, très utile évidemment, et pour aider toutes celles et tous ceux qui ont besoin évidemment, et qui ont besoin de ne pas être seuls surtout. Et je précise que vous nous appelez de La Vacqueresse, près de Valenciennes. C'est bien de le dire, Justine. Qu'est-ce que vous aimez faire dans la vie? Racontez-nous rapidement. Eh ben, je suis sportif et j'aime beaucoup faire de la pâtisserie aussi pour mes enfants, donc je cuisine beaucoup. Ah, qu'est-ce ça, que bien. Vous cuisinez? C'est quoi votre petite spécialité? Là, ce week-end, j'aurais fait des petites tartelettes de pommes maison avec des éclats de caramel et de nougatine par-dessus. Oh, s'il vous plaît. Je vous présente Bruce Springsteen. Salut, Bruce. Oh yeah, bonjour les pop rockers. Et salut, mon David, en forme? Salut, Bruce. Super, ouais, très en forme. C'est bien, ça me fait plaisir. J'espère que vous m'enverrez une petite pâtisserie si vous gagnez. Ah, il va falloir reconnaître sa chanson, chanter avec sa brosse à dents dans la bouche pour gagner des chèques cadeaux Cadeos et des chocolats de Neuville. C'est à toi, Bruce. Le vibrato. Oh, c'est facile, David. Allez, je vous écoute. Moi, je dirais Oasis. Mais... Ouais, c'est facile. C'est toujours plus facile, évidemment, quand on a la réponse sous les yeux. Mais enfin, c'était pas très, très dur. Bon. Bravo David. Non, très beau vivato. Ouais, merci beaucoup mon David Oudé. Pour vous, des compositions gourmandes comprenant boîte de chocolat, des croustilles pralinées, tablettes, truffes et un chèque cadeau Cadeo de 300 euros. La chocolat de Neuville, je précise évidemment. Bravo, ça vous aidera peut-être pour les pâtisseries. Continuez à écouter RTL2, continuez à regarder la chaîne L'Équipe. Voilà, moi ça m'arrange que vous soyez dans le combo, mon cher David. On vous embrasse, on vous souhaite une bonne journée et... Et qu'est-ce qu'on vous sert sur RTL2, David ? Un double expresso. We'll be right back. tellement parfaite. Oasis, Don't Look Back in Anger sur RTL de 6h55. L'actualité revue et corrigée par Jonathan O'Donnell dans le double expresso RTL 2. Dur de passer après les frères Gallagher et pourtant il va relever le défi. C'est Jonathan O'Donnell. Bonjour Jonathan. Bonjour. J'ai eu l'espoir que tu dises lui aussi il est parfait. Non. Ah. Non, mais on vous met pas dans la même catégorie, voilà. C'est tout. C'est vrai. Ah, toi, t'es un jeune humoriste qui fait ses preuves. Eux, ce sont des bons gars de Manchester qui ont déjà fait leurs preuves, tu comprends? Voilà, c'est une question de ville. Allez, voilà, pas de nous. Allez, on parle innovation pour démarrer. L'enseigne de supermarché Franprix va tester courant 2019 la livraison des courses par un robot. Oh. Ah ouais, par un robot. Allez, retraités, on fait moins les malins. Hein. Ça va vous faire bizarre quand il n'y aura plus personne à bloquer aux caisses le samedi matin. Là, on va bien s'ennuyer. Hein. Mais arrêtez de payer en chèque. Les sympas. Les chèques. Ah ouais. Oh, merde. Bon. Allez, une info people. Nabila lance sa marque de maquillage Nab Cosmétique, voilà, ouais. Composée de 6 rouges à lèvres liquides et d'un gloss. Voilà. Mmh. Pas de shampoing. Non mais allô quoi. Ouais, désolé, c'est sorti tout seul. Ouais. Il faut le ton avec. C'est un petit souvenir. Non mais allô quoi. Je sais pas de quoi vous parlez. Allez, on termine aux États-Unis. Selon un journal, 84 voiturettes de golf vont être louées pour assurer la protection de Trump pendant ses parties de golf. J'attends avec impatience la course-poursuite en cas de problème. Vraiment. Je vois bien. Donald Trump à 2 à l'heure. Merci, Jonathan. Bah, toi, c'était très bien. Ah, bah, merci. Du coup, tu reviens à 8h55 et du reste, tout le long de l'émission, on écouterait Ed Sheeran. Et entouré d'Oasis et d'Ed Sheeran, et t'arrives à t'en sortir. C'est beau. Hein. Quel talent. Happy Hour dans le double expresso RTL 2. À tout de suite. RTL 2 a été la première radio en France à vous jouer ce titre de U2. Ce titre de Zen, vous l'avez entendu pour la première fois sur votre radio. Jacob Banks, vous l'avez découvert sur RTL 2. RTL 2, les plus grands artistes pop-rock d'aujourd'hui et de demain. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron, si je vous dis crépinette. Ah, pour les crépinettes, j'ai toujours un bon coup de fourchette. Oh, quel poète. En ce moment, chez Lidl, ils font moins 20% sur les 4 crépinettes de porc. 2,79€ les 500 grammes. 2,79€ les 4 crépinettes, 70 centimes la crépinette. Ah oui, et du porc français, hein. Je vous en ramène 4. Oui, mais en cachette, hein, dis-nous au bureau. Ah bah vous serez mal, je sais. Très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. 5,58€ le kilo, produits transformés en France. Offre valable jusqu'au mardi 4 décembre. Pour votre santé, bougez plus. À la fois architecte, directeur des achats et des travaux, il sait tout faire. Lui, c'est Barnabé. Barnabéton, entrepreneur du bâtiment. Et son nouveau Citroën Berlingo Van, jusqu'à 1000 kg de charge utile, élu utilitaire de l'année 2019. Nouveau Citroën Berlingo Van, comme vous, il sait tout faire. Pendant les jours pro, profitez-en à partir de 139€ par mois avec cabine extenso offerte. Citroën. Crédit bail 60 mois, 75 000 km, premier loyer 2 909€, offre non cumulable hors taxe réservée aux professionnels, valable jusqu'au 30 novembre sous réserve d'acceptation crédit par, détails sur citroën.fr. Vous êtes abonné à un club de gym, on ne vous y a pas vu depuis 3 mois, vous êtes abonné à des magazines, vous les feuilletez à peine, vous êtes abonné à 153 chaînes, vous en regardez 2. Et si, pour une fois, vous vous abonnez à quelque chose de vraiment utile? Nespresso lance l'abonnement. Choisissez votre forfait café Nespresso et profitez d'une machine à 1 euro. Nespresso, what else? What else, quoi d'autre? Offre valable en France métropolitaine sous réserve d'un engagement de 12 mois, voire modalité complète sur Nespresso.com. Dis donc, sympa ta nouvelle voiture. Oh, attends, c'est rien à côté de ma nouvelle assurance. Ah tiens, justement, c'est elle. Bonjour, je suis votre appli Direct Assurance. Je vous confirme que votre nouvelle voiture est désormais assurée chez nous. Et vous venez d'économiser 245€ pour les mêmes garanties qu'ailleurs. Eh, c'est ton appli banque qui va être contente. En souscrivant chez Direct Assurance, 9 nouveaux clients sur 10 déclarent bénéficier du meilleur rapport qualité-prix. Alors rendez-vous sur directassurance.fr. Direct Assurance, on gagne toujours à être direct. Voir détails sur le site. Intermarché vous propose d'écouter 23,45€. Jusqu'au 2 décembre, le paquet Megapack de 86 couches Pampers Baby Dry taille 4 est à seulement 23,45€ avec en plus 50% en avantage carte. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Existe en différentes tailles. Modalités et magasins participants sur intermarché.com. Excellent mardi matin, bonjour. Et coucou, il est 7h. Bonjour, c'est RTL2. Et les infos

new. But if he breaks your heart like lovers do, just know that I'll be waiting here for you. Ed Sheeran, Happier dans le double expresso RTL 2. Grégory Hacher et Justine Salmon. Bon réveil avec le double expresso RTL 2. Applaudissements pour le mardi matin. Ouais, bravo. Je vais vous dire pourquoi c'est important d'encourager le mardi, parce que le mardi est ce jour complètement pourri, pauvre au milieu de la semaine, il est nul. C'est pas le lundi le plaisir d'en trouver les collègues, c'est pas le vendredi on va fêter le week-end, il est nul. Il y a pas le mercredi avec les enfants, c'est le mardi, mais on va l'assumer et il va être sympa. J'ai trouvé un intérêt au mardi aujourd'hui. Ah. Parce qu'après avoir bien dépensé là avec le Black Friday, je vous propose et le Cyber Monday. Et le Cyber Monday, non mais ça devient n'importe quoi. Le foutez-nous la paix. Je vous propose de contrebalancer tout ça avec le Giving Tuesday. C'est une journée consacrée aux dons et c'est aujourd'hui. Très bien. Et ça tombe bien, aujourd'hui c'est également le lancement, on en parlait dans les infos, de la 34e campagne des Restos du Cœur. En fait, ça a été créé aux États-Unis en 2012 et aujourd'hui plus de 100 pays célèbrent cette journée. Le Giving Tuesday FR, c'est le hashtag en France si vous voulez l'utiliser. Donc associations, entreprises, particuliers, tout le monde peut rejoindre le mouvement. Il suffit donc de faire un don à une association, donner des vêtements ou de la nourriture aux mal logés, soutenir des projets solidaires, faire un don du sang, signer une pétition, ce que vous voulez, mais vous donnez. Eh ben c'est parfait, voilà, un vrai sens à ce mardi matin. Merci Justine, on relève la tête. Merci. Allez. À toi. Bon petit déj, bon réveil, voici Genesis. Genesis Knows Me, le son pop rock est sur RTL 2. Question why I'm smiling. You buy a piece of paradise, you buy a piece of me. I'll get you everything you wanted, I'll get you everything you need. You don't need to believe in hereafter, just believe in me. And Jesus, he knows me, and he knows I'm right. I've been talking to Jesus all my life. Oh yes, he knows me, and he knows. Well, he's been telling me everything's gonna be alright. Why find me practicing what I'm preaching? Why find me making no sacrifice? Dans le double expresso RTL 2 à 7h10. Je vous annonce que Justine Salmon a une super info expresso. Si. Bah, je vais vous parler de vos assiettes et de vos assiettes en 2019. J'ai quelques tendances à vous donner dans un instant. Très intéressant. T'es déjà l'année prochaine, toi. Bien sûr, j'ai toujours un temps d'avance, tu le sais. Mad Bastard sera également là. Oui, je le sais. Je sais aussi que par moment, t'as un temps de retard. Je sais. C'est les deux, t'es capable de cumuler. A tout de suite sur RTL 2. Bon réveil. Écoutez RTL 2, we are called Muse. À l'occasion de la sortie de leur nouvel album Simulation Theory. Écoutez RTL 2 et partez à Londres pour le concert de Muse. À tout moment sur RTL 2. We love RTL 2, the pop rock radio.

voir si on se ressemble. Comme un seul peuple, un seul homme, le regard fier et les mains qui tremblent. Ces graines qu'on sème pour toute une vie, à toutes ces secondes qu'on apprécie. Hey, hey, hey. Stand One sur RTL 2. L'info expresso RTL 2. Ça n'étonnera personne, c'est l'info expresso et nous avons parlé de nourriture, mais on ne l'a pas fait depuis un petit moment, je tiens à préciser quand même. Mais j'ai lu Biba.fr, hein, c'est un peu mon petit site fétiche. Et alors j'ai appris que comme chaque année, en fait, une chaîne de supermarché anglais qui s'appelle Waitrose dévoile sa liste de tendances nourriture et boissons pour l'année suivante. Oh, les Donc anglais, allez, la nourriture, je me méfie quand même. Vous allez pouvoir avoir un coup d'avance. Okay. Allez, vas-y. Alors, qu'est-ce qui va être tendance en 2019 dans nos assiettes? Par exemple, la crème glacée. Bon, vous allez me dire manger de la glace. Oui, bon, bah, c'est pas nouveau. Hein. Ouais. Sauf que la crème glacée, ça sera pas que pour l'été. On la mangera tout au long de l'année. Ça devrait pousser les fabricants à imaginer une nouvelle texture et des parfums assez innovants. Journaliste, il s'est endormi sur son clavier, là, c'est pas possible. Pourquoi? Bah, moi, j'en mange toute l'année. Bah, oui, la glace. Si ah, oui. Ah bon bah, vous êtes ah, grave, oui. Vous bah, ben, déjà ne nous insulte pas. Bah, je te permets pas de nous juger. Enfin, je dis ça, j'en ai mangé samedi dernier. Bah, voilà. C'est pas possible. Mais non, mais je veux dire que c'est des parfums plus hiver. Quelle mauvaise foi incroyable. Oh, ben, vous êtes grave à manger de la glace. Ah ben j'en ai mangé samedi. C'est vrai. Bon, il y a également les aliments amers. Ça va ravir. Bah toi Greg, les amateurs de spritz. Ah bah, fais-moi passer pour un alcoolo. En 2019, les aliments amers auront la cote. Donc des desserts avec du chocolat noir riche en cacao, des aliments braisés aussi, pourquoi pas. Mmh. Et aussi, alors ça, on en entend parler depuis un moment, les cocktails healthy. Donc le manger sain, bien sûr, passera aussi par les cocktails moins riches en sucre, moins alcoolisés, parfois salés, avec de la betterave, avec des oignons marinés ou encore des épluchures de légumes dedans. Oh. Bah oui, mais c'est sain, c'est bon pour le corps apparemment. Ah ouais, d'accord, très bien. Donc écoutez, profitez, chine, bon appétit, tout ça quoi. Ouais. Puis si ça se trouve, le goût brûlé reviendra à la mode, Justine, tu verras. Ta cuisine sera reconnue à sa juste valeur. C'est hyper méchant. Qui veut des patates sautées? Non, non, c'est des patates cramées. Everywhere I go, oh yes it is. Wet Wet, Love Is All Around, la BO du film Quête, mariage et un enterrement, et vous entendez également dans Love Actually, comme on approche de Noël, c'est forcément un film que vous allez regarder d'ici le 24 décembre. Je l'ai déjà regardé deux fois. Eh ben voilà, voyez. Allez, on y va pour l'horoscope du jour. Allez, médaille de bronze avec les Gémeaux, Greg. Arrêtez de voir le verre à moitié vide et profitez de la vie. Les Vierges. Ne vous souciez plus du regard des autres, il vous empêche d'avancer. Et les Poissons. Vous êtes parfois un peu trop jaloux, faites attention. Médaille d'argent maintenant pour les Béliers. La bienveillance fait indéniablement partie de vos qualités. Eh oui. Taureau. On vous laisse toujours prendre des décisions, vous avez une âme de leader. Lion. Quels que soient vos objectifs, vous les atteignez toujours. Les Balances. Les gens ne seront pas insensibles à votre charme aujourd'hui. Scorpion. Vous êtes très gentil avec vos proches, c'est très apprécié. Sagittaire. En ce moment, vous avez besoin de beaucoup de chance, et vous en avez. Les Capricornes. Une rencontre spontanée pourrait bien embellir votre journée. Verseau. Vous donnerez le sourire à tous ceux que vous croiserez. Et puis médaille d'or aujourd'hui pour les Cancers. Amour, travail, santé, tous les voyants sont au vert aujourd'hui. Un conseil, profitez-en. Tiens, voici Muse sur RTL 2. Time is running out. Absolution en 2003. Muse, Time is Running Out. Guettez les deux titres de Muse à la suite. On vous envoie les applaudir à Londres. Là, il n'y en avait qu'un. Mais deux, vous nous appelez au 3228. Hein. Le seul numéro à retenir, 3228. Exactement. La chanson du jour, ce sera une exclue RTL2 avec un acoustique dans nos studios. Une merveille d'un groupe anglais légendaire. Et puis, on écoutera aussi Milky Chance. Strand Dance dans le double expresso RTL2. Vous nous avez choisi pour commencer la journée. C'est quoi? C'est une bonne idée? Très bonne. Vous êtes vraiment très intelligent. RTL2. Votre playlist pop rock. Gauthier. Maroon 5. No Doubt. RTL2. La radio pop rock. Avec les couettes et les oreillers Colin Normand, fabriqués en Normandie, c'est tous les jours dimanche. Une récupération optimale, avec ou sans réveil matin. Alors vous aussi, soyez conquérants. Avec les couettes et oreillers Colin Normand, par tous les temps, chaque matin, partez gagnant. Il est bientôt 7h30 sur RTL2.